18-9, observation, professionnelle et amateur. Elle joue du violon. Elle est violoniste. Il joue du piano. Il est pianiste. Elle joue de la flûte. Elle est flûtiste. Il joue de la trompette. Il est trompettiste. Elle fait de la photo. Elle est photographe. Il fait de la peinture. Il est peintre. Il fait de la boxe. Il est boxeur. Pour les esprits curieux et exigeants, notez qu'un violoniste professionnel joue forcément du violon. Mais quelqu'un qui joue du violon n'est pas forcément un violoniste professionnel. C'est peut-être un simple amateur. Si on vous dit « il joue du violon », il est probable qu'il s'agit d'un amateur. Si on vous dit « il est violoniste », alors là, il est sûr et certain que c'est un professionnel.